conseille de retourner en arrière. Ben toi, quand tu as fait le dash d'aujourd'hui, tu remets au propre tous les mots que tu as pris, le nouveau vocabulaire. Parce que au moment, tu as ton répertoire à toi, et quand tu le recherches, tu le retrouves. C'est-à-dire quoi? Toi, tu n'as qu'à recopier tous les mots qui sont dans le kitab pour toi. Ça te fait une rage là, et en plus, ça fortifie ta mémorisation. C'est quoi? Alors, généralement, par deux, ça prend combien? 10 mots. Le soir, tu les recopies. Pour Dofter, on a pris aujourd'hui ça. Et le jour où tu as un problème, tu retournes à ton Dofter, là où tu l'as écrit, et tu la trouves directement. Inch'Allah. Crois-moi que tu vas, ça se tapit. Je crois que c'est pas là, je sais pas où c'est là. On va pas encore tout le temps chercher le réel. Dans le mois de janvier, ouais, non, mais moi je lui descends lui-même, tu vois, pour ce qu'il était. Inch'Allah, en tout cas, c'est ça, Yassilou. Thaminan. Al-Musafiru, yuridu l'aouda. Al-Musafiru, yuridu an ya'oud. Non, le voyageur veut le retour. Arabian. On l'avait fait ensemble. Là, non. On a fait la première ensemble. Pas le reste. Juste le premier que Khurtoum n'a pas fait le reste. Min Aina, Anta Qadim, une autre parenthèse de Qahira, tu dis Anna Qadimun, Nil Qahira. Donc la deuxième phrase. Min Aina, Anta Qadim, entre parenthèses, mais Baalis. Anna Qadimun, Min. Min al-Baris. Mouchaïf Oleh. Min Baris. Comme il est écrit là, entre parenthèses. Non. Le Qahira, c'est spécial, quoi. C'est comme El Medina. Certains ont du Follem, certains ils n'ont pas. Ça, Alissan ? Min Aina, Ya Qadima. Ya Qadimatun, Min Karachi. Karachi. Je ne sais pas quoi c'est l'équivalent. Karachi. Je ne sais pas quelle ville c'est. Anna Qadimatun min al-Jidda. Min al-Jidda. Jidda. Et oui, c'est vrai que Jidda ma'rouf. Khamisan. Min aina ana qadima. Ana qadimatun min al-Qahira. C'est le même que celle de l'exemple. Sauf que là, c'est un féminin aujourd'hui. Khamisan. Ajibun asilatil atiya kama fi namouzaj. Ila aina anta muttajihun. Et notre. Et là, tu mets le mot entre parenthèses. Là, c'était Beyrouth. Ana muttajihun ila Beyrouth. Ila aina. On l'a pris la première aussi. On rappelle. Ila aina wa musafirun. عندك هو متجه الى لا مسافر الدوزيام فراز منصوب ها هنا نعم ايوه مسافر متجه شو بقى من فراز تي ميك لو مو كاكو بورتي منصوب C'est elle, corrige maintenant, là c'est pas bon, juste le mot de forge. Huwa musafirun ila al-Qura. Non, c'est ça. Thalithan, ila aina hiya a'idatun. Hiya a'idatun min al-Khurtoum. Là c'est ila, c'est pas min. أقول إلى أين هي؟ نعم هي عائدة إلى الخرطوم. فجاء غوديا خرطوم. نعم صح. رابعا من أين أنت قادمة؟ toujours féminin pardon. أنت يا فندم يعني أنت أنت. أنا قادمة من Baris. Afwan, ça va être Saoud, Jawel, il faut dire Nahman. Manon, ça va être Afwan, ça va être Manon, Jawel. Elle a l'air, Nahman. خامسا من أين أنت واصل؟ هذه من قال واصل؟ أنا واصل من الكويت. نعم. واصل سيد اسم الفعل كذا. وصل؟ نعم وصل. والسيس ودي كم فزبا؟ يدي يغلبني. يدي بكم بي. طيب ندخل في ما زلنا في الوحدة الثانية في الدرس الخامس. درس هذه بارتي في سبيل الكتير اقرا الكلمات الجديدة. قدم يقدم الى بعض المزاز تقديما. شو بلدي بقى التابلو تقديما قدم على c'est présenter quelque chose. C'est un peu le même sens que Salama, ou tout comme ça, sauf que là c'est présenter. Là, présenter, c'est-à-dire je présente mon passeport à l'employé. Je présente mon passeport. Moi ton passeport, tu me présentes ton passeport. Ça peut être aussi offrir un cadeau. Si tu dis qaddama hadiya, c'est offrir un cadeau, présenter une offrande. Mais là ce qui est vrai, c'est dire genre, présenter le passeport. طيب انا طيب فحص يفحص فحصا كما بس في الرياضه فحص اناليزي نعم اكزاميني اناليزي كنترولي نعم حافله تصير كار بس حافله كار بس هبط يهبط لاسكي بلو سي l'atterrissage de l'avion. À la base, c'est descendre quelque part. Capico l'état là. Ou habitu minha jamia. Ou habitu minha dinarou. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit à Adam et à Hawa de descendre de la terre, du fait qu'ils écoutaient du shajara, voyez, il a dit de descendre du jannah pour aller sur terre. Ou habitu minha jamia. فحبطوا الناس كيو يبرس الاتريساج ركبة عادي هذا هو سيسموه عروس ومطريك معياج ومطريك معياج ركبة يركب المزار سي ركوبا كي بدي أمطي c'est une chose pour se déplacer. Être embarqué, monter dans une voiture, monter dans un... Ouais, il est déjà passé. Kadima Yakudomo. Il nous rappelle ce que veut dire Kadima. Kadima, c'est arrivé. Nam. Nazala Yenzilou. C'est aussi descendre. Et je dis le mazan c'est nuzulan. Nuzulan. Wajjaha yuwajjihu, c'est faire face. Et le mazan c'est tawjihan. Vous voyez ? Faire face, ça peut être aussi donner du tchaïkir. من يقرأ اليوم في كيلو يوم تستيقظ اليوم طيب